Sans plus de réserve qu'une enfant de 4 ans, sitôt qu'elle entendait venir son amie, elle s'élançait à sa rencontre, ou bien, se cachant derrière un arbre, elle poussait un jappement de chien pour l'effrayer. Un jour que Madame Moreau était sortie, il la fit monter dans sa chambre. Elle ouvrit tous les flacons d'odeur et se pommada les cheveux abondamment. Puis, sans la moindre gêne, elle se coucha sur le lit, où elle restait tout son long, éveillée. « Je m'imagine que je suis ta femme, » disait-elle. Le lendemain, il aperçut tout en larmes. Elle avoua, entre guillemets, qu'elle pleurait ses péchés. Et comme il cherchait à les connaître, elle répondit, en baissant les yeux, « Ne m'interroge pas davantage. » La première communion approchait. On l'avait conduite le matin à confesse. Le sacrement ne la rendit guère plus sage. Elle entrait parfois dans de véritables colères. On avait recours à M. Frédéric pour la calmer. Souvent, il emmenait avec lui dans ses promenades. Tandis qu'il rêvassait en marchant, elle cueillait des coquelicots au bord des blés, et, quand elle le voyait, plus triste qu'à l'ordinaire, elle tâchait de le consoler par de gentilles paroles. Son cœur, privé d'amour, se rejeta sur cette amitié d'enfant. Il lui dessinait des bons hommes, lui contait des histoires, et il se mit à lui faire des lectures. Il commença par les Annales romantiques, un recueil de vers et de prose alors célèbre. Puis, oubliant son âge, tant son intelligence le charmait, il lut successivement Atala, Saint Mars, Les Feuilles d'automne. Mais une nuit, la nuit même, elle avait entendu Macbeth dans la simple traduction de Le Tourneur. Elle se réveilla en criant « La tâche, la tâche !» Ses dents claquaient, elle tremblait, et, fixant des yeux épouvantés sur sa main droite, elle la frottait en disant « Toujours une tâche !» Enfin, arriva le médecin, qui prescrivit d'éviter les émotions. Les bourgeois ne virent là-dedans qu'un pronostic défavorable pour ses mœurs. On disait que, entre guillemets, le fils Moreau voulait en faire plus tard une actrice.